إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence le cours 19 dans la série, même si ça fait un bout de temps, comme j'avais dit, qu'on avait déjà commencé, mais pour nous ici c'est le deuxième cours et c'est l'introduction de Al-Usul al-Thalatha. On est arrivé à la partie où le Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab il explique qu'est-ce que c'est Millat Ibrahim. On a expliqué au dernier cours c'était quoi la religion d'Abraham, hein, et que c'est d'adorer Allah seul et de se détourner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que c'est le Tawhid. Et on a expliqué donc certains points qui ont rapport avec la religion d'Abraham. Maintenant le cheikh il dit وَبِذَلِكَ أَمَرَ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا وَبِذَلِكَ أَمَرَ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. C'est-à-dire c'est avec cela, c'est à ça que Allah a ordonné à tous les hommes de suivre et de se soumettre. C'est-à-dire c'est la religion d'Abraham que Allah a ordonné à tous les êtres humains de suivre. Et il les a créés pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés pour l'adoration, pour l'ibada. Wa ma khalaqtul jinna. Et c'est pour ça que le Cheikh Mohammed, rahimahullah, il mentionne tout de suite après, il dit كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que pour, comme on va le voir, que pour qu'ils établissent le tawhid. Le Cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah, qui a expliqué ce livre, il a fait le charh de ce livre, il dit أي لِيُحَقِّقُوا وَيَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي وُصِفَتْ بِأَزْكَى الْأَوْصَافِ. والدليل على ذلك قوله عز وجل قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc il doit, les êtres humains doivent réaliser et doivent suivre la religion d'Abraham qui a été décrite par les descriptions les plus pures. Et la preuve de ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes, ce qui signifie que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. الْآيَةِ تُبَيِّنُ الْحِكْمَةِ وَتُبَيِّنُ الْغَايَةِ وَالْهَدَفِ الْأَسْمَى مِنْ خَلْقِ الثَّقَلَيْنِ عَالِمُ الْجِنِّ وَعَالِمُ الْإِنْسِ ألا وهي عبادة الله وحده دون سواه بكل ما تحمل كلمة العبادة من معنى. ولما كانت العبادات أنواع متعددة أعظمها وأجلها وأعلاها توحيد الله تبارك وتعالى، قال المؤلف ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد. Donc le Cheikh explique, il dit la signification du verset je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ce verset nous explique la sagesse et la raison pour laquelle, et le but et l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les deux mondes, le monde des hommes et le monde des djinns, hein? Il a créé les hommes et les djinns pour cette raison-là, c'est-à-dire pour l'adoration d'Allah seul, en dehors de toute autre chose. Et avec tout ce que la parole, ou tout ce que le mot adoration peut avoir comme signification. Et étant donné que quand on dit adoration, ça implique plusieurs formes, et ça implique diverses formes d'adoration, la plus grande et la plus importante et la plus élevée de toutes ces différentes formes d'adoration-là, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de croire en le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que l'auteur, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit wa ma'na ya'budun yuwahhidun wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tawhid. La signification du verbe, quand Allah il dit liya'budun, c'est-à-dire pour qu'il m'adore, ça signifie en réalité pour qu'il liwahhidun. En fait, c'est pour qu'il m'unifie dans l'adoration. Et c'est la plus grande de tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus grand de tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ordre du tawhid. Il n'y a pas un ordre dans la religion qui est plus élevé et plus grand que le tawhid. C'est plus grand que la salat, c'est plus grand que la zakat, c'est plus grand que le hajj et que la umrah, c'est plus grand que la bonté envers les parents, c'est plus grand que toutes les autres ordres que Allah a ordonné. C'est l'ordre par excellence, l'ordre suprême. Et le cheikh il explique ça, il dit wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tawhid wa dhalika li anna at-tawhid asas ad-din wa aslu al-millah wa huwa miftah al-jannah وأعظم سبب في نجاة أهله من الخلود في النار إن دخولها بحسب معاصيهم وهو الذي يعصم به المال أو يعصم به المال ويعصم به الدم ويعصم به العرض وهو الرابطة الكبرى بين جميع المسلمين على اختلاف أجناسهم وتباين لغاتهم وتباعد أقاليمهم فهو رباط عظيم آخى بينهم وجعلهم كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم الحديث وفسر التوحيد بتعريف واضح. Donc le cheikh il dit que la plus grande de toutes les obligations dans la religion, c'est l'unification d'Allah, parce que le tawhid c'est la base, c'est le fondement de la religion. C'est comme une maison. Quand tu construis une maison ou un bâtiment, tu commences par la fondation, tu commences par la base. Tu ne peux pas construire une maison sur du sable ou sur de la terre et tu la laisses comme ça, puisque n'importe quel vent, n'importe quel tremblement, n'importe quelle chose qui se produit, et ta maison va s'écrouler, va partir avec le vent. Il faut commencer d'établir et de bâtir ta maison par quelque chose de solide, et c'est la fondation. Donc ça c'est quelque chose, c'est la logique, hein, c'est clair. Et la base et la fondation de l'islam, c'est le tawhid. Si t'as pas de tawhid, t'as pas de fondation dans ta maison. Ta maison va pas tenir. Le moindre vent, la moindre petite ambiguïté, le moindre petit doute qui t'arrive dans ta religion, de la part des koufars, de la part des mushrikines ou de la part des gens de l'innovation, ils vont te jeter une ambiguïté, automatiquement tu commences à avoir des doutes, tu tombes, ta maison s'écroule au complet. Pourquoi ? Ton tawhid n'est pas solide, ta base elle n'est pas établie. Donc, il faut fermement solidifier notre fondation, et c'est ça la fondation, c'est le tawhid, et c'est la clé du paradis, comme les ulama l'ont expliqué, que toute clé pour rentrer quelque part, il faut une clé pour débarrer la serrure, et la clé pour qu'elle soit valable, qu'elle soit bonne, pour qu'elle puisse ouvrir la porte, il faut qu'elle ait les bonnes dents. S'il n'y a pas les bonnes dents dans la clé, même si tu as une clé, elle ne va pas s'ouvrir la porte. Et c'est pour cette raison-là que les ulama ils ont mentionné que la clé du paradis, c'est la ilaha illallah, et les dents, c'est les conditions de la ilaha illallah. Et les conditions de la ilaha illallah sont de sept. Sont de sept, et on les a énumérées au début du livre pour ceux qui n'ont pas, qui n'étaient pas présents. On peut les renommer ou les rementionner. Les sept conditions sont, premièrement, la science, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que la ilaha illallah signifie. Deuxièmement, al-yaqin, c'est-à-dire la certitude. Troisièmement, c'est-à-dire d'être certain, d'être convaincu de la véracité de ce témoignage, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et ça, c'est par opposition au doute. Hein? Donc, la science par opposition à l'ignorance, la certitude, al-yaqin, par opposition au doute, al-qaboul, c'est l'acceptation, c'est de l'accepter par opposition au refus et au rejet, al-inqiyad, c'est-à-dire la soumission, le fait de se soumettre physiquement et d'implémenter ce qu'implique ce témoignage-là par nos actions et par nos paroles, as-sidq, c'est-à-dire la véracité, d'être sincère quand on la prononce et d'être véridique, al-ikhlas, c'est-à-dire la pureté, c'est-à-dire que tu te débarrasses de tout ce qui est contraire à la ilaha illallah, c'est-à-dire tout ce qui est en opposition avec le tawhid, tu le rejettes, tout ce qui est contraire à l'adoration d'Allah unique, tu le rejettes. Et la septième condition, c'est al-mahabba, c'est l'amour par opposition à la haine. Hein? C'est-à-dire que tu aimes la ilaha illallah et tu aimes ce que ça signifie et ce que ça implique, et que tu détestes ce qui s'y oppose et ce qui le contredit. Hein? Tu ne peux pas dire j'aime la ilaha illallah mais j'aime aussi le shirk. Tu comprends? Donc c'est une contradiction. Tu ne peux pas dire j'aime Allah puis j'aime le shaitan, j'aime l'obéissance à Allah et j'aime le péché, j'aime le bien puis j'aime le mal en même temps. C'est une contradiction, tu peux pas. Tu dois aimer Allah seul, et tout ce que tu aimes en dehors d'Allah, tu dois l'aimer pour Allah et pour plaire à Allah et dans l'agrément d'Allah. Et en même temps, ça implique que tu dois détester tout ce qui est en contradiction avec ce que Allah aime, et tout ce qui oppose ce que Allah ordonne, tu dois le détester. Sinon, ton amour n'est pas sincère, elle n'est pas correcte, elle n'est pas complète. Ça, c'est les conditions de la ilaha illallah telles que les ulama les ont mentionnées. Puis, il y a une huitième parfois qui est rajoutée, al-kufru bima yu'badu min dunillah, c'est-à-dire le fait de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Certains ulama l'ont rajouté, certains ulama ne l'ont pas rajouté parce qu'ils considèrent que c'était déjà sous-entendu dans les autres conditions qu'on a mentionnées. Donc, ça revient au même. D'accord? Donc ça, c'est pour dire que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Hein? C'est la clé du paradis. Et ensuite, le cheikh, il dit, et c'est la plus grande cause de salut. C'est la plus grande cause de salut des musulmans. C'est la chose qui va les sauver et qui va les protéger d'être éternellement en enfer. S'ils rentrent en enfer à cause de leurs péchés, ils ne vont pas rester éternellement en enfer grâce à ce témoignage-là et à la foi en ce témoignage de la ilaha illallah. C'est-à-dire que du fait qu'ils ont unifié Allah, ils ne vont pas aller éternellement en enfer s'ils sont rentrés en enfer à cause de certains péchés qu'ils ont commis. Et il dit que c'est également ce qui te préserve, ce qui préserve tes biens et qui préserve ton sang et qui préserve ton honneur. Pourquoi? Parce que le kafir, le mécréant ou le mushrik, celui qui est associé avec Allah, il n'y a rien qui protège son bien, il n'y a rien qui protège son sang, il n'y a rien qui protège son honneur. Hein? Et après, par rapport à ça, son bien, son sang et son honneur, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour les musulmans le fait de lutter et de combattre dans son sentier et d'appeler les hommes sur toute la terre à adorer Allah seul et à s'écarter des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un ordre qui est ordonné par Allah aux croyants lorsqu'ils ont la capacité de le faire et de l'établir. C'est ce qu'on appelle en arabe le djihad. Et le but du djihad, c'est d'appeler l'humanité à l'adoration d'Allah seul et de s'écarter de l'idolâtrie et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça le djihad. Et c'est ça le but et l'objectif fondamental du djihad, d'appeler les hommes au tawhid. Et ça, c'est lorsque les croyants ont la capacité et les moyens. Et ce djihad, pour qu'il soit bon, pour qu'il soit valable,

parmi les jeunes, parmi les musulmans, parmi les gens qui sont nés musulmans et ceux qui sont convertis, on propage ces idées-là, soit les idées de takfir, les idées de manifestation, les idées de révolte, les attentats terroristes et tout ça, et qu'on prétend que ça c'est le djihad. Ces choses-là sont propagées par Internet, sont propagées sur des sites, dans des forums, et de toute autre façon. Et c'est propagé aussi par des petits groupes d'individus dans différentes mosquées, à Montréal et à l'extérieur de Montréal aussi. Et donc, il faut être averti de ça pour pouvoir se préserver, pouvoir se protéger de ça aussi. Et pour pas qu'on attribue à l'islam des choses qui sont fausses. Et pour clarifier ça. Parce qu'il y a des koufars, ça les réjouit quand ils entendent ce genre de discours de la part de certains extrémistes parmi les Khawarij et d'autres groupes de sectes musulmanes qui appellent à la violence et des choses de ce genre. Eux, ils sont contents. Parce qu'ils disent, ah, ça c'est la preuve que l'islam c'est une religion qui appelle à la violence et à la destruction. Et ils pensent donc qu'ils ont trouvé un argument pour ne pas accepter l'islam dans ce genre de comportement-là de la part de ces gens-là. Donc nous on leur dit non, détrompez-vous, parce que c'est faux. Ces choses-là qui sont attribuées à l'islam n'ont pas rapport avec l'islam, c'est des fausses interprétations et des mauvaises compréhensions et de l'égarement. Et ce n'est pas la voix des ulama de l'islam, des savants de l'islam et des salafs de cette umma. Donc ça c'est juste pour clarifier et spécifier, puis pour fermer la porte à toute ambiguïté. Ensuite le cheikh il l'explique, il dit et que le tawhid et la ilaha illallah c'est le plus grand lien qui existe entre tous les musulmans de toutes les différentes origines. C'est-à-dire que la ilaha illallah c'est le lien entre tous les musulmans, peu importe d'où ils viennent, peu importe qu'ils viennent de l'Asie ou de l'Afrique ou de l'Europe ou de l'Amérique du Nord ou du Sud, peu importe de quel continent, de quelle origine, de quelle couleur, de quelle langue, de quelle apparence, hein, de quelle région, ils sont tous reliés par ce lien de la fraternité islamique qui est basé sur le tawhid. La fraternité islamique est basée sur la ilaha illallah, sur le tawhid. Peu importe que tu sois blanc ou que tu sois noir ou que tu sois rouge ou jaune, yani, si tu dis la ilaha illallah, t'es mon frère en islam. C'est pas comme les groupes, par exemple, ceux qu'on appelle les black muslims. Et on ne devrait pas les appeler black muslims parce que ce ne sont pas des muslims, ces gens-là, ce ne sont pas des musulmans, c'est des koufars, c'est des mécréants, puisque pour plusieurs raisons, mais parmi les plus importantes déjà dans la croyance, ils n'ont pas les mêmes croyances que les croyances des musulmans. Les musulmans, parmi les principes de la croyance en l'islam, c'est que tu dois croire en un Dieu unique. Et eux, ils disent que Dieu, comme eux, le Dieu en lequel ils croient, il est venu en être humain, un homme, à Détroit, au Michigan, dans les années 30, 1930, pour appeler l'homme noir à l'islam. Ça veut dire que ils pensent que Dieu est devenu un être humain. Et j'ai déjà entendu un de ces gens-là, une de ces personnes-là qui prétend être musulman et appelé à l'islam, en train de débattre avec un chrétien, pour lui prouver que Jésus n'est pas le fils de Dieu ou qu'il n'était pas Dieu. Et moi je lui ai dit, regarde, toi tu es en train de débattre avec ce chrétien pour lui dire que Jésus n'est pas Dieu et pas le fils de Dieu, et dans ça tu as raison, mais en même temps toi dans ce que tu crois et dans ce que tu enseignes, tu dis que Fard Mohammed c'était Dieu et il est venu sur la terre en forme d'un être humain pour appeler les hommes noirs à l'islam, et qu'il a choisi un homme pour être son prophète, et c'était Elijah Muhammad. Donc, en plus d'avoir fait le shirk dans le tawhid al-rububiyya et dans le tawhid al-asma al-sifat, en plus de ça, tu fais le kufr, en disant qu'il y a un autre prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abdillah, celui qui est né à la Mecque, il y a 1434 ans, celui-là, c'était le dernier d'entre les messagers et d'entre les prophètes. Après lui, il n'y en a plus d'autres. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle, il l'a nommé dans le Coran, dans Surat Al-Ahzab, il le nomme wa khatam an-nabiyyin, le dernier des prophètes, celui qui est venu sceller la prophétie. Il n'y en a plus d'autres après lui. Et il a mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, que mon exemple par rapport aux autres prophètes qui sont venus avant moi, c'est comme l'exemple d'un palais ou d'un château qui a été construit. Et toutes ces pierres sont bien installées et bien placées, sauf un espace sur le mur où il y a un trou, ou un espace vide. Il manque une pierre. Et il a dit, je suis cette pierre. Je suis le dernier prophète. Il n'y aura pas d'autres prophètes après moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça clairement. Et il a annoncé qu'après lui, il y allait avoir 33 dajjal. C'est-à-dire 33 faux prophètes. Dont le dernier, qui sera le plus grand, le Messie ad-Dajjal, hein, l'antéchrist, celui qu'on appelle parfois l'antéchrist, qui sera le dernier, qui va faire beaucoup de désordre sur la terre. Mais il y a plein de gens qui vont venir à travers l'histoire, qui vont se prétendre prophètes et messagers, et ce sont tous des menteurs. Celui qui prétend être un prophète, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir, il est mécréant. Et celui qui prétend, ou qui, plutôt celui qui croit en celui qui prétend qu'il est un prophète, il est kafir lui aussi. Si quelqu'un dit, je crois que lui c'est un prophète, alors qu'il s'est prétendu prophète, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir, il est mécréant. D'accord ? Donc, les gens qui se disent faire partie des Black Muslims ne sont pas des musulmans. Malcolm X, qui est une personne, une personnalité connue dans ce mouvement-là, il est resté longtemps avec lui, avec Elijah Muhammad, celui qui s'était prétendu prophète, et vers la fin de sa vie, il a quitté, comme 2 ans avant sa mort, il a quitté le mouvement des Black Muslims, et il est parti faire le pèlerinage à la Mecque. Il a accepté le vrai islam, il a refait son témoignage de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il est redevenu musulman, sunni, et puis hein, il est revenu en Amérique du Nord par la suite, après avoir accepté le vrai islam. Et il s'est repenti d'avoir suivi Elijah Muhammad et il s'est désavoué complètement de son enseignement et de ses principes. D'accord ? Donc, il est mort sur l'islam, Inch'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner pour ses péchés et ses erreurs. Toutefois, il ne faut pas faire comme certains qui l'élèvent au point de le prendre comme un exemple dans la religion, comme une référence dans l'islam. Parce que ce n'était pas un savant de la religion. C'était un musulman ordinaire. Hein? Sauf que il a voulu faire des choses, il y a des choses dans lesquelles il avait raison, des choses dans lesquelles il avait tort, mais ce n'est pas une référence pour nous par rapport à la religion. Notre référence, c'est le Coran, la Sunna et la compréhension des Sahaba, des premiers musulmans, puis les ulama de l'islam qui suivent cette voie, mais pas des hommes de politique ou des activistes ou des gens de ces catégories-là. C'est des gens qui ont voulu faire du bien, mais ce n'est pas nécessairement qu'ils avaient toujours raison. Donc ça, c'est un point important. Donc, dans l'islam, il n'y a pas cette affaire de racisme. Ta couleur ne va pas te faire entrer au paradis. Et ta couleur ne va pas t'empêcher d'entrer en enfer si tu mérites l'enfer. Hein? Si tu es blanc, ça ne te rapproche pas d'Allah. Et si t'es noir, ça t'éloigne pas d'Allah. Qu'est-ce qui te rapproche d'Allah? C'est tes bonnes œuvres et ta foi. Qu'est-ce qui t'éloigne d'Allah? C'est tes péchés ou bien ta mauvaise croyance. Et c'est ça, sur ça que Allah va te guider. Et si quelqu'un fait une distinction entre les hommes par rapport à sa couleur, par rapport à sa race ou son origine, c'est un shaitan. C'est-à-dire, ce gars-là, il a la jahiliya dans son cœur. Il a de l'ignorance dans son cœur. Il y a un problème dedans. Hein? Il n'a pas encore compris l'islam correctement. Et il y a un homme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait insulté un autre homme par rapport à sa mère et à son origine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, toi tu es une personne qui a encore de la jahiliya en toi. La jahiliya, c'est l'ignorance de la pré-islam, du fait de l'ignorance du fait d'avoir de ne pas être, avoir connu l'islam. Tout ce qui était avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant la venue du messager, on l'appelle jahiliya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu cette personne-là dire ça, il a dit, toi tu es une personne qui a de la jahiliya en toi. Et la personne, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça, il a tellement eu honte, il s'est tellement senti mal, qu'il a mis son visage par terre. Et il a dit au sahabi à qui il avait dit qu'il était, qu'il l'avait insulté, il a dit, viens et mets ton pied sur mon visage. Hein? Il y a une histoire qui est rapportée, comme tu dis, avec ce nom-là, mais il y a aussi une autre aussi, donc Allahu A'lam, mais l'important qu'on sache, c'est que il est arrivé cette chose-là au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a une personne qui a dit cette parole-là, et il y a eu cette chose-là qui s'est passée par la suite, pour dire que les sahaba sont les meilleurs hommes après les prophètes, et que lorsqu'ils commettaient une faute ou une erreur, ils revenaient tout de suite à Allah subhanahu wa ta'ala, ils se repentaient tout de suite et ils corrigeaient tout de suite leurs fautes et leurs erreurs. Ils persistaient pas dans leurs fautes. Je voulais pas dire le nom du sahabi. Pourquoi? Parce que je veux pas dire le nom d'un sahabi dans quelque chose comme ça. Puisque j'ai par respect pour les sahaba. D'accord? Mais c'était effectivement Abu Dharr, radiallahu anhu. Naam. Mais c'est pour vous dire que celui qui fait des distinctions comme ça entre les hommes, il a tort. Et que les croyants sont des frères du moment qu'ils croient en l'islam. Et ça, c'est quelque chose qui dérange beaucoup les koufars. Parce qu'ici, en Amérique du Nord, et même en Europe, ils ont toujours essayé de diviser les gens par rapport à leur origine, par rapport à leur langue. Et ils essaient toujours, ici même, maintenant, à Montréal même, au Québec ou au Canada, diviser les gens par rapport à leur origine ethnique ou à leur communauté culturelle. Tandis que nous, on est des musulmans. Donc, c'est pas supposé qu'il y ait une mosquée selon les différentes origines des gens. Pour dire, ça c'est une mosquée de Marocains, ça c'est une mosquée d'Algériens, ça c'est une mosquée de Pakistanais, ça c'est une mosquée de Bangladesh, ça c'est une mosquée de Somaliens, ça c'est une mosquée de Turcs. C'est pas correct qu'il y ait des choses comme ça dans l'islam. Parce qu'on est tous des frères, et notre religion c'est l'islam, c'est la ilaha illallah, on est supposé d'être unis. Et on n'a pas le droit de se diviser en mosquées selon l'origine. Hein? Mais eux, ça les encourage de faire ça pour diviser les gens, pour pouvoir les contrôler mieux par la suite. Hein? Donc, c'est important de bien ramener les musulmans à la compréhension correcte de l'islam et de les unir par le tawhid. Et de savoir que c'est pas, qu'est-ce qui nous unit, c'est pas nos liens d'appartenance à un pays d'origine. Tunisien, algérien, marocain, égyptien, africain. Asiatique ou bien autre, pakistanais, indien, non. Qu'est-ce qui nous unit? C'est notre aqida. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est notre manhaj, notre méthodologie qu'on suit, la voie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba, et c'est ça qui nous unit. Et qu'on s'accroche là-dessus. Et que tout ce qui nous divise parmi les innovations, les traditions culturelles, de chacun de nos pays qui parfois sont des choses qui sont des innovations ou qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, qui sont basées peut-être parfois sur des choses qui sont traditionnelles, culturelles, qui n'ont rien à voir avec l'islam, ou bien qui sont basées sur des innovations, ou bien qui sont basées sur des opinions faibles ou des hadiths faibles, des hadiths fabriqués ou des choses comme ça, tout ça, ça doit être mis de côté. Et on doit s'unir sur le haq. Et aussi, parmi les choses qui divisent les musulmans, et c'est la plus grande cause des divisions, c'est à cause des innovations et des fausses croyances et des sectes. Et souvent, les gens, ils mettent de l'avant une différence culturelle pour camoufler une différence dans la croyance ou camoufler une différence dans la méthodologie qu'ils suivent. Alors qu'en réalité, ce n'est pas par rapport à leur origine seulement qu'ils se divisent, mais parce qu'ils ont des différences dans la croyance ou dans les pratiques et ils ne veulent pas revenir à la sunna et revenir à la vraie croyance. Donc ça, il faut faire attention à ça aussi. Le cheikh, il dit donc que tout ça, ça ne doit pas nous séparer. Même la langue. Hein? Tu vois, par exemple, dans certaines mosquées, ils vont dire, bon, nous on parle telle langue, nous on parle telle langue. On est tous réunis par une langue, c'est l'arabe. Ça, c'est le langage central. On fait la prière en arabe, on fait l'adhan en arabe, on lit le Coran en arabe, on apprend les hadiths en arabe. Toutes ces choses-là, on se concentre en arabe. Et si c'est nécessaire de faire des traductions pour quelqu'un lorsqu'il n'a pas la connaissance ou la compréhension de l'arabe, eh bien ça, ce n'est pas un problème. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, dans la sourate Ibrahim, qu'il a envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple pour leur clarifier. L'arabe, c'est la base, mais on peut expliquer et clarifier à chacun selon la langue qu'il comprend. Et que le cheikh dit, et que donc on est tous comme un seul corps en réalité. Tous les musulmans, on est supposé d'être comme un seul corps. Et quand on est nouveau dans l'islam, on vient de se convertir et qu'on entend ces enseignements-là, on est content. Hein? Et je me rappelle au début quand j'étais converti à l'islam, je prenais l'autobus, je rencontrais quelqu'un, aussitôt que je voyais qu'il avait un signe ou une apparence de quelqu'un qui vient d'un pays musulman, tout de suite j'allais vers lui, salam alaikum, on est des frères, hein, t'es mon frère, parce que je suis musulman. Et lui il me regarde comme si je suis un extraterrestre, comme si, mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là, est-ce qu'il est devenu fou ou quoi? Parce que c'est pas tout le monde qui a compris l'importance de ça, et la réalité de ce que ça signifie. Et il ne faut pas penser que, comme certains convertis, parfois quand ils deviennent musulmans, ils se disent « Ah, mais je connais beaucoup de musulmans qui viennent des pays musulmans qui ne pratiquent pas l'islam. » C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les enseignements et les principes qu'on a appris à la mosquée ou dans les livres. Comment ça se fait? Est-ce qu'ils sont venus ici, au Canada, ou en Europe, ou en Amérique, pour abandonner l'islam puis devenir comme les chrétiens ou les juifs ou les non-musulmans ou les non-croyants en général, ou bien est-ce qu'ils faisaient des péchés déjà dans leur pays où ils étaient déjà comme ça? Et la réalité, c'est que si vous allez dans les pays musulmans, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, même dans les pays musulmans, qui pratiquent déjà pas beaucoup l'islam ou qui pratiquent pas du tout l'islam. Il y en a beaucoup qui sont déjà comme ça dans les sociétés musulmanes. Mais il y en a qui, donc quand ils viennent ici, ils deviennent pires. Et il y en a d'autres, Allah les guide. Ça dépend de la personne. Mais qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que à la base, pour un musulman, c'est pas permis de quitter un pays musulman pour venir dans un pays non musulman. Ça, c'est pas permis. Et ça, il y a personne qui va vous le dire, parce que quand quelqu'un fait quelque chose qui est pas correct, il y a personne qui aime s'en vanter. Il y a personne qui va te l'admettre. Hein? Tu vas aller voir des musulmans que tu connais, soit à l'école, soit dans la rue, ou au travail, ou ailleurs, tu vas lui dire, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que tu savais que, en tant que musulman, tu n'avais pas le droit de quitter ton pays pour venir vivre ici au Canada, ou aux États-Unis, ou en Europe? Et on te dit, ah, mais non, c'est pas vrai, comment ça, c'est pas interdit, hein, parce qu'ils n'ont pas étudié comme il faut le Coran et la Sunna. Hein? Mais il y a un principe dans l'islam qui est très connu, tous les musulmans le connaissent, c'est Al-Hijra. Ils le connaissent, le mot Hijra, mais sa signification et son sens, ils l'ont oublié. Ou la plupart du temps, ils ne l'ont pas compris. Ils pensent que c'était quelque chose qui s'était passé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis que c'est fini maintenant, que ça n'existe plus. Et que tu n'es pas obligé de le faire, la hijra, encore aujourd'hui. Alors que ce n'est pas vrai. La hijra, ça reste jusqu'au jour de la résurrection. Comme même le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné le hadith. À la fin, on va le mentionner plus tard dans les cours qui suivent. Mais c'est pour dire que tant que jusqu'au jugement dernier, il y aura toujours la possibilité de faire la hijra, de quitter les pays non musulmans pour aller vivre dans un pays musulman. D'accord? Et que ça, c'est des choses qui vont être expliquées et détaillées plus tard. Donc, mais c'est pour que vous le sachiez. Parce que quand on est nouveau dans l'islam, on entend toutes sortes d'informations, parfois même contradictoires, à gauche et à droite. L'important, c'est de toujours revenir à la source et aux preuves et n'accepter rien de personne au sujet de l'islam sans une preuve écrite, que quelqu'un vous ramène les références, au moins soit dans le hadith ou dans le Coran avec le verset ou bien avec le hadith, de savoir dans quel livre au moins et qui l'a rapporté et le si c'est possible le numéro du hadith. Parce que on peut toujours retourner vérifier, et c'est ça qui est important, surtout quand on se convertit, de toujours vérifier. Et quand quelqu'un est né dans l'islam, souvent il a entendu des choses depuis qu'il est tout petit, et des fois c'est mélangé du vrai et du faux ensemble, et c'est pas tout le monde qui a pris la peine de retourner aux sources pour vérifier les informations, à savoir est-ce que c'est authentique, est-ce que c'est pas authentique, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Ça demande du temps, mais quand on se convertit, c'est une occasion, c'est une possibilité pour nous de vérifier l'information, pour savoir que qu'est-ce qu'on a entendu ou appris, c'est exact. C'est pas des choses que des gens ont racontées qui sont juste des paroles comme ça. Donc, ça c'est un autre point important. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Al-Muslim ou Akhul Muslim. Ça c'est une partie du hadith. Le hadith il est beaucoup plus long, mais le cheikh il veut mentionner juste cette partie-là, parce que c'est ici dans le contexte de qu'est-ce qu'il veut expliquer. Le musulman est le frère du musulman. Les musulmans sont des frères. Et quand on dit que les musulmans sont des frères, on a expliqué qu'ils sont frères parce qu'ils croient tous les deux ensemble au tawhid et à l'unicité d'Allah, et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au Coran, et ainsi de suite. C'est ça qui nous rend des frères, et c'est ça qui fait qu'on s'aime. On s'aime pour Allah, entre nous. Et, à cause de ça, tous les musulmans sont des frères, et des vrais frères. Mais si quelqu'un n'a pas compris l'importance de ça, et qu'il est né, par exemple, dans l'islam, et qu'on ne lui a pas expliqué qu'est-ce que ça signifiait l'islam et l'importance de l'islam et l'importance de cette fraternité-là, tu vas le voir, tu vas lui dire on est des frères, il ne va pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il n'a pas compris l'importance de l'islam. Et donc le cheikh il dit que il a expliqué, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a expliqué le tawhid d'une explication claire, et il a dit que c'est wa huwa ifradullahi bil ibadah, c'est-à-dire de faire en sorte que ton adoration soit exclusivement pour Allah et uniquement pour Allah seul. C'est ça le tawhid, en résumé. Hein? Une définition courte et simple et résumée. Le cheikh Zayd al-Madkhali, par la suite, il explique. Il dit « Ifradullah bil-ibadah, an tufrid Allah azza wa jal, bikulli ibadatin yatawajjahu biha ilayhi » أي بكل عبادة شرعية يتوجه بها العباد إلى الله عز وجل فمن أفرد الله بالعبادة فهو الموحد ومن صرف العبادة لغيره فهو المشرك ومن أشرك معه غيره في العبادة فهو المشرك أيضا فإن الله هو المستحق للعبادة وحده بدون شريك له فيها والتكاليف كما تعرفون أوامر ونواهي ونواه وسبق معنا بأن أعظم الأوامر توحيد الله عز وجل وهكذا أعظم النواهي وأكبر المآثم الإشراك بالله تبارك وتعالى. الشيخ explique quand on définit le tawhid en disant que c'est le fait de rendre notre adoration exclusive pour Allah et uniquement pour Allah, c'est-à-dire que toute adoration que tu fais, tu la rends seulement pour lui, exclusivement pour lui, et on parle de toutes les différentes formes d'adoration et on va les énumérer plus loin. Hein? Plus loin, il y a une énumération de chaque adoration avec une définition de chacune d'entre elles et

religion. Même s'il y a eu plusieurs messagers, tous ces messagers-là sont venus avec la même religion, le tawhid, la ilaha illallah. Ceux qui ont changé le message de ces prophètes et de ces messagers-là, ce sont eux qui ont divisé la religion. Allah, il n'a pas envoyé le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, et l'hindouisme et toutes ces différentes croyances que les êtres humains suivent aujourd'hui, protestants, baptistes, adventistes, méthodistes, pentecôtistes, catholiques, orthodoxes, protestants, toutes ces différentes sectes et groupes, hein, judaïsme et ainsi de suite. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé une seule religion, c'est le tawhid, la ilaha illallah. Et tous les messagers d'Allah, même si tu retournes à l'Ancien Testament, que les juifs possèdent aujourd'hui, même s'il est falsifié, il y a encore des versets dedans qui enseignent le tawhid, et qui disent qu'il y a un seul Dieu unique, et que c'est lui seul que tu dois adorer. Et même la punition de ceux qui adorent d'autres que Allah est mentionnée dans ces versets-là. À quel point le péché du blasphème et du shirk. J'ai écrit même, j'ai composé un document, hein, sur PDF que j'ai mis sur mon site. Les versets dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui parlent du tawhid et le crime de faire le shirk. Et je les ai mentionnés. Si vous voulez, peut-être même au prochain cours, on pourra même les lire avec les versets pour vous montrer des exemples de ça. Comment c'est mentionné dans l'Ancien Testament et comment les chrétiens ferment les yeux devant ces versets-là. Et même les juifs aussi. Hein? Parce qu'un juif, il peut te voir adorer une centaine d'idoles devant toi et il te voit en train de les prosterner, il ne va même pas dire un mot. Il ne va pas rien te dire pour t'appeler au tawhid et à l'unicité d'Allah parce qu'il pense que la religion, c'est juste pour lui, pas pour les autres. Et la vérité, c'est juste pour lui, pas pour les autres. Donc, il ne pense pas à appeler les gens à la ilaha illallah parce qu'il pense que c'est juste pour lui. Et parce qu'il n'a pas cru à Jésus. Il n'a pas cru en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il avait cru en ces prophètes-là, il n'y aurait pas eu judaïsme aujourd'hui. Mais il n'a pas cru en les prophètes, donc il est resté dans sa secte. Et il est resté dans l'égarement. Aujourd'hui, il est dans l'égarement. La même chose avec ceux qui, aujourd'hui, par exemple, disent qu'ils sont les descendants de il y en a par exemple des gens qui disent qu'ils suivent la religion des juifs parmi les noirs, ils s'appellent par exemple the black jews aux États-Unis. Il y a un groupe comme ça qui s'appelle the black jews. Et qu'est-ce qui est bizarre avec ce groupe là c'est que le fondateur de ce groupe c'était un gars qui se prétendait musulman au début. Et il disait qu'il était le retour de Jésus. Et un musulman qui a écrit un livre pour le réfuter, puis pour montrer la fausseté de ce qu'il enseignait, et il l'a tellement démasqué complètement qu'il était obligé d'abandonner cette secte-là. Il a créé une nouvelle secte qui s'appelle les The Black Jews, après. Et il y a aussi ce qu'on appelle les Rasta, qui suivent le mouvement de Bob Marley. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont comme croyance? C'est que l'ancien empereur d'Éthiopie, qui s'appelait Haïlé Selassie, que c'était la réincarnation de Jésus. Donc ils croient que, déjà en partant, c'est des chrétiens, les Rasta, à la base. Et ils croient que Jésus, c'est Dieu incarné, le Fils de Dieu, comme les chrétiens. Puis ils croient que Jésus s'est réincarné dans un homme à notre époque, c'était l'ancien empereur d'Éthiopie à l'époque de la colonisation, quand il y a eu deuxième guerre mondiale. Hein, il était empereur d'Éthiopie, Haïlé Selassie. C'était un chrétien, Haïlé Selassie. C'était pas. En tout cas, c'était un chrétien. Puis, eux, ils croient que c'est Dieu incarné et ils l'adorent. Les Rasta, en Jamaïque, et ailleurs, ils adorent Haïlé Selassie. Et ça, c'est du shirk. Déjà, de croire que Dieu s'incarne en un être humain, c'est du shirk. Et de croire qu'il s'est incarné en Haïlé Selassie, ça aussi, c'est du shirk. Et ils ont une mode qu'ils suivent, c'est de se laisser pousser les cheveux. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils suivent l'exemple des juifs, hein, des rabbins, qui ne devaient pas se couper les cheveux ou ainsi de suite. Ça, c'est la mode de ces gens qui ont inventé cette mode-là. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement des prophètes. Non, celui qui imite les joueurs de soccer, par exemple, qui aime les vedettes de sport, comme les je sais pas, comme tu as dit, Orlando, tu as dit, comment il s'appelle ? Ronaldo ou d'autres, ils veulent faire la même coupe de cheveux que eux, ça rentre pas dans le shirk. Ça rentre dans le péché seulement. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de faire al-qaza. Al-qaza, c'est que tu vas couper une partie de tes cheveux, mais tu vas laisser une autre. Comme qu'est-ce que ils appellent parfois la coupe mohawk, ou qu'est-ce que les punks font, les coupes punk. Hein? Donc dernièrement, les dernières années, comme trois ou quatre dernières années, il y a cette coupe-là qui est apparue. Même quand je suis parti un été, je suis parti en France, et tous les petits jeunes, subhanallah, ils avaient tous cette coupe partout. Même des enfants, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde est devenu fou ou quoi? Allah al-Musta'an. Et non seulement ça, il y en a même qui commençaient même à se teindre le dessus blond. C'est-à-dire, Ajib, j'ai dit, mais est-ce que tout le monde a tous attrapé la même maladie? Leurs cheveux sont devenus blonds ou quoi? Donc c'est pour dire que l'imitation des koufars dans qu'est-ce qui est haram, c'est haram. L'imitation des koufars dans ce qui est kufr, c'est kufr. L'imitation des koufars dans ce qui est shirk, c'est shirk. Mais l'imitation des koufars dans ce qui est mubah, c'est mubah. L'imitation dans ce qui est péché, c'est péché. C'est ça la règle, en fait. Si tu imites des non-musulmans dans ce qui est interdit, c'est interdit. Sauf si tu le rends halal, tu penses que c'est permis. Là, c'est kufr, parce que tu l'as rendu halal. Mais si tu considères que c'est péché, et tu les suis dans le péché, c'est péché. Si tu les suis dans la mécréance, dans ce cas-là, c'est de la mécréance. Si tu les suis dans l'idolâtrie, dans ce cas-là, tu fais de l'idolâtrie, et ainsi de suite. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit d'imiter les non-musulmans. On n'a pas le droit d'imiter les koufars dans l'islam. D'accord? Si quelqu'un laisse ses cheveux pousser, par habitude, pas pour une croyance ou des choses de ce genre, ça c'est pas, dans ce cas-là c'est permis. Mais si tu le fais pour imiter quelqu'un ou pour suivre l'exemple d'un autre peuple ou des choses de ce genre, dans ce cas-là c'est pas permis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu les cheveux longs, il a eu les cheveux courts. Et quand il avait les cheveux longs, il les tressait, hein, il avait fait trois tresses. Hein? Et après, il les a coupés. Parce que pour se distinguer des mouchriquins, il les a coupés. Et il a mentionné que les Khawarij, une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils se rasent. Donc, une des sectes des garments, il a dit Simahum Tahliq, ils se rasent. Donc, de raser la tête complètement à blanc, ça aussi, c'est pas correct. Toutefois, de les laisser pousser à notre époque, c'est devenu une des caractéristiques des Khawarij. Parce qu'on dirait qu'ils ont voulu faire le contraire du hadith. C'est comme s'ils ne voulaient pas se sentir visés d'être des Khawarij. Donc ils ont dit on va se faire pousser les cheveux. Donc maintenant c'est la mode de certains Khawarij. Ils se laissent tous pousser les cheveux. Puis même il y en a même qui mettent comme de l'huile dans leurs cheveux ou même comme une sorte de substance huileuse. Et puis tu les vois, leurs cheveux sont toujours comme brillants et lisses. Et donc ça, c'est une caractéristique aussi des Khawarij à notre époque. Mais si c'est pour imiter, par exemple, si tu laisses les cheveux pousser, comme tu fais des rasta ou des dreads ou des choses comme ça, ça c'est pas permis parce que c'est une imitation des koufars, des mouchriquins comme les rasta et les gens qui suivent d'autres religions comme ça. Et il y a un groupe au Sénégal. C'est un groupe de soufis et ils suivent une secte qu'on appelle les mourides et ils suivent un cheikh qui s'appelle Ahmadou Bamba. Et parmi les descendants de des chouyouks de cette tariqa ou de cette secte, il y a un qui s'appelait Ibrahim Fall. Et lui, il a permis à certains de ses fidèles de pas prier, de pas jeûner. Il a dit vous n'avez pas besoin de prier, vous n'avez pas besoin de jeûner. Et une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils portent les dreads. Hein? Ils ont des dreads, tu les vois dans la rue. Et c'est des gens, eux, ils croient qu'ils ont comme responsabilité de défendre la secte des mourides. Donc, ils sont excusés de prier et excusés de jeûner. On les appelle les baïfal. Les baïfal, Allah musta'an. Donc ça, c'est de l'égarement. Et personne n'a le droit de ne pas de croire qu'ils n'ont pas le droit de prier ou de jeûner. Si quelqu'un pense qu'il peut s'abstenir de prier et de jeûner, ça c'est kufr, ça le fait sortir de l'islam. Et si quelqu'un croit qu'il a le droit de dire à quelqu'un, toi t'es excusé de prier ou de jeûner, ça aussi c'est kufr. Parce que personne n'a le droit de permettre ce qui est contraire à l'islam. Surtout si c'est un fondement de l'islam ou un pilier de l'islam. Hein? Donc c'est des choses qu'on retrouve souvent chez les soufis. Et chez les sectes d'égarement comme ces gens-là, tu vois. Donc, ça, c'est des exemples. Ensuite, le cheikh dit « وَهَكَذَا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِخْبَارًا عَنْ لُقْمَانِ وَهُوَ يُوصِي ابْنَهُ بِالْأَوَامِرْ وَالْفَضَائِلْ وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمَآثِمِ وَالرَّذَائِلْ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Non, donc, un autre exemple, comment Allah interdit le shirk dans le Coran. L'exemple de l'histoire de Luqman. Luqman, c'est un homme pieux. Quand il a ordonné à son fils certains ordres et certains bienfaits, il a dit à son fils, il leur donne des bonnes choses et il lui interdit les péchés. Et parmi les péchés qu'il lui mentionne, c'est le shirk. Il a dit, ô mon fils, ne fais pas le shirk avec Allah, c'est-à-dire n'associe pas avec Allah, car certes le shirk est la plus grande des injustices, la plus grande des injustices. Donc, ça c'est une autre façon comment Allah subhanahu wa ta'ala interdit le shirk. Et il dit, وَجَاءَ بِأُسْلُوبِ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَمَاتَ عَلَى الشِّرْكِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Donc, une autre façon, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la menace sévère qui est promise à celui qui associe avec Allah et qui meurt sur le shirk. C'est-à-dire qui meurt sans se repentir de l'acte du shirk, d'avoir associé avec Allah. C'est-à-dire, quand il meurt après avoir commis le shirk, sans s'être repenti et sans avoir accepté l'islam, sans avoir abandonné l'adoration d'autre que Allah. Allah dit à propos de cela, dans le verset 116 dans Surat An-Nisa, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Et le verset 82 dans Surat Al-Ma'ida, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala celui qui commet le shirk, Allah ne lui permet pas d'entrer au paradis. Celui qui a commis le shirk et qui meurt sur le shirk, Allah ne lui permet pas d'entrer au paradis et sa destination sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. Il n'y a pas de secoureur. Le cheikh il dit, وَابْتَدَأَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَتِهِ بِالتَّأْكِيدِ عَلَى أَمْرَيْنِ. الأمر الأول تجريد التوحيد لله رب العالمين والأمر الثاني النهي الشديد عن الإشراك بالله تبارك وتعالى وفي قول المصنف وهو دعوة غيره معه. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le cheikh il termine ce point-là en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appelé son peuple à l'islam, il a commencé son appel en mettant l'emphase et en se concentrant sur deux choses. La première chose, c'est de purifier le tawhid pour que l'adoration soit uniquement pour Allah, le Seigneur des mondes. Donc il commence la da'wa par le tawhid. Et c'est pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a débuté son appel et sa da'wa et sa mission par le tawhid. Tous les messagers d'Allah, du premier, depuis Adam, jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont tous commencé leur da'wa par le tawhid, l'unicité d'Allah. Et le deuxième, c'est l'interdiction du shirk. le fait d'interdire d'associer avec Allah dans l'adoration. وهو قول القول وفي قول المصنف وهو دعوة غيره معه. Et c'est d'adorer ou d'invoquer d'autres avec Allah. Donc ça c'est la définition générale. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et comme je vous ai promis, Inch'Allah, au prochain cours, je vous montrerai des endroits, des passages de l'Ancien Testament qui mentionnent l'importance de l'adoration d'Allah seul et qui interdisent d'adorer d'autres que Allah, pour que vous compreniez l'importance de ça même chez les Juifs et les chrétiens, et aussi par exemple pour les musulmans, ceux qui sont nés dans l'islam, pour qu'ils comprennent que c'est pas quelque chose qui est inconnu chez les chrétiens, chez les juifs. Ils savent le tawhid, qu'est-ce que c'est. La seule chose, c'est qu'ils ne l'appliquent pas. Hein? C'est comme par exemple, quand tu mentionnes par exemple à certains musulmans, quand tu leur dis que tu t'es converti, il y en a qui te disent par exemple, « Ah, mais c'est bien, maintenant tu es musulman, tu vas pas boire, tu vas pas, bon, peut-être l'alcool, les chrétiens ils le permettent, mais disons qu'ils vont dire, tu vas pas faire l'adultère, tu vas pas faire des péchés, tu vas pas faire des choses comme ça, hein. » Alors, moi je leur disais, souvent à des musulmans comme ça, je leur disais, mais vous pensez que dans le christianisme, faire l'adultère, puis mentir, puis faire des péchés, c'est permis, hein? Ou chez les juifs, que ça c'est des choses qui sont permises? Non. Eux, ils se permettent de le faire, mais même dans leur religion, c'est interdit, dans les enseignements de la religion, c'est interdit de le faire. Hein? Et c'est pas pour ça que on est devenu musulman juste pour abandonner ces péchés-là. Le plus important dans tous les péchés, le plus grand, c'est le shirk. Et les chrétiens et les juifs et les autres commettent le shirk. Et l'islam, on est devenu musulman par rapport au tawhid en premier. Hein? C'est comme, par exemple, le fait que tu dises, par exemple, moi je vais pas sortir, je vais pas commencer à prendre la drogue, je vais pas prendre l'alcool, je vais pas sortir avec des filles, je vais pas faire l'adultère, je vais pas faire la fornication, ainsi de suite. Mais c'est pour t'abstenir de faire ces choses-là. C'est pas nécessaire d'être musulman nécessairement pour que tu fasses pas ça. Dans le sens qu'il y a des chrétiens qui ne font pas ça. Il y a des juifs qui font pas ça. Même il y a des athées qui font pas ça. Hein? Et c'est pas ça qui va les faire rentrer seulement au paradis. Si, hein, ils n'ont pas cru en Allah, ils n'ont pas cru au tawhid, ils ont associé avec Allah, ou bien ils n'ont pas cru au prophète, ils n'ont pas cru au messager, ils n'ont pas cru aux livres et aux anges. La aqida, c'est à la base. C'est pas les actions qui sont à la base, c'est la croyance qui est à la base. Et dans la croyance, et dans la croyance, il y a les actions qui viennent avec. Parce que la foi comprend les actions, mais tes actions ne vont pas avoir une valeur sans la croyance. Et la croyance, elle est fondamentale. Hein? Et les actions doivent suivre la croyance. D'accord? Donc on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين